poison le narrateur. Dans ce pays le noir attend. Je raconte la vie des blacks sans commentaire. Sans blague, comment ils nous enterrent. Fils d'immigrés, la rage d'un black panther. Fier d'être noir comme un comics. Comme ces mêmes qui nous font du Malcolm. À l'époque de l'esclavage, des hommes de couleur en élevage. Étanglés comme du bétail à chaque passage. Espérant gagner la bataille après l'orage. Oh le sais moi toi que l'Afrique a été pillée pour son fric. La richesse dans les veines, prison otage, brise les chaînes. Tout ça ne peut pas calmer ma haine. Soit disant la race sous-développée. Tous OP, topé à la magie noire. Bête de ballon, lingala, je te raconte pas l'histoire. Je répète que je suis fier d'être noir à la couleur de star. Et toi ramène-moi tes frites et tes pâtes. Moi je te ramène Isaac Asaka qui te donnera la patate. Tu sais, et la gna, tu sais. Noir, j'suis un noir. On fait le sale boulot. Couleur du diable Zabou, ai-je la couleur du jean? Ai-je mauvaise mine à l'origine? Gênant comme une bouteille de 16 audio 16. Je cause pas en vain man, moi je viens du 93. Je porte la couleur du deuil, subventionne mon cercueil en attendant que Dieu me cueille. Je respire et au pire je donne un avis sur la vie. Et frère noir, dis-moi combien d'étapes plus graves. Machiavélique sonde de l'entraide d'une femme affligée. Comme chaque année, une flegie à chaque texte engagé. Ma rage est jugée par les dieux de la terre. Si ma rage a un nom, elle s'appellerait nécessaire. Noir comme le taf d'un clan d'eau. Moi gise, la France en bas du dos. Le bandit d'eau, chrome, CSINISTRE. Bouge de ma route si tu veux rester heureux. Noir, j'suis un noir. J'ai des idées mais je mène une videuse. Car la police est trop rodeuse. Je veux pas finir numéro 2 et dans mes yeux. Y'a les larmes des aïeux. Des mérons noirs à cailleux ou plus sérieux. Nos pères au destin périlleux. Et je peux périr dans ce putain de périple. C'est terrible. Chuter à Babylone, avoir du mal à atterrir. Idée stérile. C'est dans les ténèbres qu'on s'embarque. Regarde-moi, je ressens plus à un nègre qu'à un black. Pas de blague. J'aime pas les gens trop cons enfermés dans leur cocon. Qui veulent nous voir chanter dans les champs de coton. J'ai trop la cote, Black Panther. Stop le beat, qu'on fasse le point, élève le point avant qu'on t'enterre. Arrête tes commentaires, je vais pas être tigeant. J'avance en attisant mes frères d'Afrique et des 10 ans. Je pourrais faire court sur la négritude, mais v'là j'en ai fait un bon mal. Parce qu'après tout, on est encore hal. Noir, j'suis un noir. On fait le sale boulot. Noir, j'suis un noir. On a la tête sous l'eau. Sous l'eau.